moi je rappe depuis peu. Pour certains je suis encore petit, je peux dire que sur ce beat je commets des crimes, la crime décime. T'as sous l'oie dans la crêpe, vrai, mes rimes décime. Celui que personne ne consomme, il a un kill d'œil, on consomme. Fox qu'on nous destine, peu d'estime pour skill dans tous les styles. Mille un plat avant, en avant, toujours les mêmes, je parle plus. Grâce ma putain de fumée par le sec, on m'épargne toute psychologie. Un faux départ, une victoire, laisse-moi faire mon apologie. Partie de zéro, sans toucher ni crack ni héroïne, plaque, c'est ce que ça fait, négro. C'est ma festive, faut pas stagner. Dis-leur qu'on taille que la volaille n'est pas taille. Mon initial sur ma batte, sur ta joue. Est-ce que t'es naze, tu perds, tu te lâches. Rap t'attrape pas le col, nouvelle école. Mes frères, des gosses, nouvelle école. Franchement, la bugs, des gosses, nouvelle école. Mon rap t'attrape pas le col, nouvelle école. Mes frères, des gosses, nouvelle école. Franchement, la bugs, des gosses, nouvelle école. Je change tout de cours, de classe, garde les mêmes fous. Fous autant la merde jusqu'à New York. Zo, Zalazaz, Niazelo, Sabéo, Rose, Pit, la bio apologique comme des deux zo. Pour que la nouvelle école, y'a une nouvelle école. Bien frais pour se régler au procès. Je monte en scène, t'es opposé quand même. Défoncé, je change, j'ai le rap plus sage et j'suis plus zen. Me vois plus de fin de ceux qui me suivent, j'peine plus pour aller où j'peux. D'école, nouvelle école. Franchement la bugs décolle, nouvelle école. Mon rap t'attrape par le col, nouvelle école. Mes frères décolle, nouvelle école. Franchement la bugs décolle, nouvelle école. Ah vas-y, excuse ma courtoisie. J'ai dû braquer le hip hop, le move. Personne ne m'ouvre, c'est pas de changer l'optique. T'aspect, joue mon son après minuit. Oublie pas de changer le dé. Dans ma banlieue, ça étudie, ça joue au foot un peu. J't'ai pas tout dit, ça rapide, se shoot un peu. Faut les mettre. Trop de putes dans le périmètre. Pour les MC, périmé, faut les mettre dans 9mm. C'est lunatique, c'est catastrophique. Ici c'est barillé, résine et barisé. J'rappe pas pour les petits, j't'avertis. J'suis déconseillé comme avorté. Et quand j'entends les sirènes, j'me rappelle que j'suis la cible. J'repense au ton, à ma cage, au film de la 6. C'est un pour la passe, deux j't'abasse. J'suis pas une légende, moi j'traîne seul ou en bande. J'suis en noir et blanc, j'en ai vu toutes les couleurs. Moi donne leur noir, beurre noir, venu flinguer leur loi. J'dors pas, j'dévoraille sans employé. Nouvelle école, moi t'attrape par le col. Nouvelle école, mes frères décolle. Nouvelle école, ma rose décolle. Nouvelle école, 45. Moi t'attrape par le col. Nouvelle école, mes frères décolle. Nouvelle école, ma rose décolle. Nouvelle école, yeah, yeah. 45, Naza, Naza, Naza, yeah.